Le journal brésilien Espaço Mulher numéro 32 a donné un article titré « À qui sert l'ONU ?». Il a écrit « L'ONU doit remplir sa mission d'institution internationale destinée à réaliser de façon équitable la demande et le désir des peuples de chaque pays qui veulent la paix et la sécurité dans le monde, au lieu d'exercer la pression sur les États souverains comme la Corée par deux poids et deux mesures axés sur un pays, en dressant un grand obstacle à leur aspiration et à leur développement indépendant ».